Et on s'en va rejoindre Lise Ravary. Allô, Lise? Allô? Comment ça va? Ça va très bien, toi. Ça barde au Moyen-Orient, on va te dire une chose, avec ce qui se passe entre Israël et Gaza. Je lisais dans Le Monde ce matin, on disait, ben, c'est du déjà-vu, déjà-vu all over again, comme on dit. À chaque période électorale, il y a toujours un sursaut dans cette crise-là perpétuelle au Moyen-Orient. Mais en même temps, fondamentalement, on a affaire, et je le lis pas là, dans les médias québécois, là, c'est cette version-là qui est pourtant toute simple, on a affaire à un pays démocratique qui se défend. Si le Canada se faisait bombarder à tout bout de champ par les États-Unis, pas sûr qu'on réagirait autrement. T'sais. On a un pays démocratique qui s'appelle Israël, bombardé à tout bout de champ, surtout dans le sud, bien évidemment, où est Gaza, par des terroristes qui tue du monde de l'autre bord et Israël qui se défend. C'est ça l'histoire. Et il était temps qu'Israël se défende avec un peu de muscle. En ce qui me concerne, à tout le moins. On n'est pas beaucoup à penser comme ça. Non, hein, au Québec, il n'y en a pas. Non, on est à peu près une dizaine. Non, pas du tout. Écoute, c'est évidemment cette situation-là, c'est certain que c'est une des grandes tragédies de notre époque, le conflit israélo-palestinien. Et c'est une tragédie parce que on est en présence d'une situation impossible où deux peuples appartiennent au même territoire. Et c'est sûr qu'en partant comme ça, ça risque de prendre du temps avant qu'une paix s'installe, une véritable paix s'installe. D'autant plus que t'as pas de leadership, Lise. Obama n'a pas aucun leadership au Moyen-Orient. Les relations avec Israël, on n'est pas sûr. Et de l'autre côté, Israël, il y a la question des colonies, 12 000 Juifs par année qui vont s'installer en Cisjordanie. On a beau être pour, on a beau être contre, c'est sûr que ça vient pas faciliter nécessairement le climat. Climat qui s'envenime avec un manque de leadership à Washington, c'est une recette, une bouillabaisse idéale pour une crise. Absolument. Et présentement, la situation depuis 2006 à peu près, c'est que le Hamas, qui est un groupe terroriste, contrôle Gaza. En fait, ils ont été élus et ils contrôlent Gaza. Et en Cisjordanie, c'est une autre administration qui est, elle, laïque, celle de l'autorité palestinienne. Et comme par hasard, effectivement, il y a des colonies, et je pense que les colonies ne facilitent pas les choses, mais de la Cisjordanie, il n'y en a pas de roquettes sur Israël. C'est juste les petits copains du Hamas qui sont à Gaza, qui, eux, continuent la lutte armée, même si Israël s'est complètement retiré de Gaza. Il n'y a plus de colonies juives à Gaza. Gaza appartient à 100% aux Palestiniens. Et après qu'Israël ait quitté le territoire en 2005-2006, tout le monde s'attendait à ce que les Palestiniens voient là une occasion rêvée pour établir un mini-État, si on veut, montrer qu'ils sont capables de faire ce qu'on appelle du nation building, de se bâtir un État. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai trouvé qu'Israël, Lise, avait été très naïf. Depuis le début, j'ai toujours trouvé qu'Israël avait été très naïf là-dedans parce que ils sont retirés gratis en n'ayant aucune garantie. Ils ont montré de la bonne foi, mais ça a été fait gratis et au bout du compte, on se retrouve avec le Hamas qui, oui, est élu, mais c'est une gang de crottés, de terroristes qui sont armés de manière illégale par un système de tunnels. Oui, et l'Iran, faut pas oublier l'affaire. Et l'Iran qui est là, qui les alimente. L'Iran, présentement, là, avec ce qui se passe là, ces jours-ci, l'Iran tire les ficelles derrière. Faut pas se raconter des histoires. Le Hamas, même s'il est sunnite, est un peu la branche armée de l'Iran en Israël et ça a toujours été comme ça. Et ça ne changera pas. Et même Mahmoud Abbas, qui est le président de l'autorité palestinienne, a déjà dit du Hamas qu'ils essayaient d'établir un émirat fanatique et fondamentaliste à Gaza. Alors voici les gens pour qui nos chers alliés québécois, alliés ici à Montréal, descendent dans la rue. Manon Massé, Lise, Manon Massé qui est allée... Manon Massé, ça t'étonne-tu? Mais est-ce que le simple, parce qu'ils ont été copains avec les États-Unis, Israël, je parle là, pendant des années, est-ce que c'est ce qui explique cette espèce de prise de position québécoise? Qu'est-ce qui peut expliquer que les Québécois sont si sympathiques à la cause des Palestiniens? Ben, c'est drôle parce que dans les années 60 et 70, la gauche québécoise était extrêmement pro-palestinienne. Tout le monde allait faire son petit séjour dans un kibbutz. Tous les leaders syndicaux s'affichaient aux côtés des leaders travaillistes israéliens. Et là, il est arrivé la guerre des six jours en 67 et la guerre de Yom Kippour en 73, quand Israël attaqué a riposté, encore une fois s'est défendu, et dans sa défense a conquis du territoire. Ouais. Hein? Alors, quand tu fais la conquête de territoire dans une guerre dont tu as été la victime, la question à l'époque était et est toujours, est-ce que tu es tenu de remettre ce territoire-là? Ça, c'est une bonne question auquel personne n'a répondu pour l'instant. Ouais. Mais au Québec, on y a répondu, et ce qui était une sympathie là, manifeste pour Israël s'est transformé. En fait, je dirais, on approche qu'à certains points d'une certaine haine, et on mélange à ça, malheureusement, un vieux fond antisémite catholique. Et ce vieux fond-là est alimenté par le nouvel antisémitisme islamiste. Ah ouais, il y a un antisémitisme. Je veux pas mélanger les dossiers. Tantôt, tu me feras penser, Lee, je vais te parler d'Applebaum. Je mélange pas les dossiers, là, mais je veux qu'on revienne sur la notion d'antisémitisme. Mais je reviens au Moyen-Orient, rapidement. L'Égypte, là-dedans, comment tu vois ça? L'Égypte avec Morsi et un nouveau régime. Il y a bien sûr les accords les accords de paix entre Israël et l'Égypte qui sont encore en vigueur, mais comment t'entrevois l'avenir entre les deux? Écoute, c'est sûr que l'arrivée des frères, en fait, du frère musulman ou d'un ex-frère musulman à la tête de l'Égypte a changé la donne. Ça, c'est clair, parce que le Hamas est issu des frères musulmans. C'est une excroissance des frères musulmans. Ils sont liés, ce sont des frères. Alors, dans la tête du Hamas, probablement qu'ils se sont dit, remettons-nous à attaquer Israël et probablement que les Égyptiens viendront le faire. Sauf que, moi, je pense pas que Morsi est assez stupide pour aller oublier, mettre de côté les 26 milliards annuellement que lui versent les États-Unis pour un petit bout de terrain qui s'appelle Gaza. Je pense qu'il ne fera pas ça. Et il y a une deuxième chose aussi, c'est que on parle souvent, oui, mais il y a un blocus économique contre Israël, contre Gaza, ouais. Mais il y a aussi un blocus de l'Égypte envers Gaza. Parce que l'Égypte ne veut pas non plus que le conflit se répandre chez elle. Mais non, on ne veut pas les réfugiés en partant, première des choses. Au Moyen-Orient, malheureusement, dans la plupart des pays, les Palestiniens sont des militants et tout ça, ont très mauvaise réputation. Et il n'y a aucun pays qui les a tolérés à long terme, à part la Jordanie, qui n'avait pas vraiment le choix pour des raisons démographiques. Mais ils ont été congédiés du Liban, congédiés de la Tunisie, congédiés de la Syrie. Ils sont faits dehors. Parce qu'ils sont vus comme des fomenteurs de troubles et qui déstabilisent les populations locales. Comment tu entrevois les prochains mois, là, Netanyahou? C'est sûr qu'il y a une rhétorique politique là-dedans, là. Mais ah ouais, Netanyahou a dit qu'il pourrait... Netanyahou, c'est pas toujours l'homme de la situation. C'est ça. Mais il a dit que ça pourrait devenir corsé au cours des prochaines semaines. Quelles sont les options pour Israël? Ben, en 2008-2009, la dernière fois qu'Israël s'est fâché, là, qu'il y en avait ras-le-bol des roquettes, ils sont rentrés dans Gaza, ils ont fait un certain ménage, et ça a recommencé peu de temps après. Je pense que cette fois-ci, ils aimeraient que ça cesse pour un bon bout de temps, et certainement jusqu'aux élections. Parce que chaque fois qu'il y a eu des élections, c'est pas tant les Israéliens qui lance la bagarre, si on peut dire. La bagarre vient de l'autre côté, parce que pour les extrémistes, eux, là, des négociations de paix, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la destruction d'Israël. Ouais, ils ne reconnaissent pas Israël. Non, ils ne reconnaissent pas. Alors, pour eux, plus le gouvernement israélien est à droite, plus ils peuvent l'attaquer et plus ils peuvent récolter des points dans l'opinion publique internationale. Alors, Israël, qu'est-ce qu'ils ont encore... Golda Meir, la première femme première ministre dans le monde, a dit un jour, vous savez, nous préférons avoir vos condamnations que vos condoléances. Wow. Pense à ce mot. Hein? C'est fort, ça. Ah oh, ouais, c'est fort. Et moi, je pense qu'Israël, cette fois-ci, risque de jouer le tout pour le tout. Ouais. Et, mais je suis inquiet pour Israël. C'est le tout pour le tout. Regarde, tu as le Hezbollah qui s'est réarmé et Israël qui a perdu contre le Hezbollah dans le sud du Liban la dernière guerre. Tu me corrigeras, je pense là. Mais... perdrait une autre fois. Non, mais ils ont perdu. Je comprends, mais regardons la géopolitique. Tu as la Syrie qui est aux prises avec une guerre interne. Jusqu'à quel point la Syrie pourrait embarquer dans un conflit, j'en doute. Tu as l'Iran, très certainement, qui est très menaçante, plus qu'il y a 10 ans, avec Ahmadinejad qui veut anéantir Israël, il le dit assez clairement. t'as l'Égypte qui est hostile, t'as Gaza qui pète aux frettes. Israël n'a jamais été aussi encerclé par des ennemis que maintenant. Corrige-moi, Lise, si je suis dans l'erreur. Ben écoute, je pense que c'est tu as raison, mais ces ennemis-là ont toujours été quand il y a eu la guerre de Yom Kippour, par exemple, c'est 5 pays arabes. Ouais, qui ont attaqué en même temps. Elle, simultanément, de tous les côtés, de toutes les frontières. Est-ce que ça pourrait arriver aujourd'hui? J'en doute. D'une part, le conflit en Syrie monopolise énormément l'énergie, que ce soit du côté de l'Iran ou du côté du Hezbollah, qui est quand même impliqué là-dedans. Il y a aussi ce qui se passe du côté de la frontière turque. Donc, je pense que le conflit syrien en soi occupe bien du monde. Le timing est bon présentement pour la Gaza. Je sais qu'on fera pas le passé, puis je veux dire, il y a un auditeur qui se questionne, puis moi aussi j'avais cette question-là à tête, mais est-ce que ça a été... On le sait, là, Israël a été créé en 48, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, on a voulu redonner une terre aux Juifs. Est-ce que ça a été une erreur de faire ça? Parce que, je veux dire, on les a quand même mis dans un beau nid de guêpe, on les a envoyés dans le tas. En fait, d'abord, depuis que les Romains ont conquis la terre d'Israël, c'est les Romains en l'an 70 qui ont changé le nom d'Israël en Palestine pour que la mémoire se dissipe. Il y a toujours eu une présence juive continue sur la terre d'Israël depuis 2000 ans. Okay. Ils ne sont jamais vraiment partis. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du 19e siècle, à la suite d'attaques, de pogroms sanglants en Russie, surtout, les Juifs ont commencé à se dire, ça n'a pas de bon sens, on est massacrés, et il y a un mouvement qui a été créé qui s'appelait le sionisme, qui était le retour à Sion, le retour à la terre ancestrale, quoi. Ouais. La patrie, si on peut dire. Et à partir de ça, les Juifs se sont mis à acheter des terres en Palestine. Beaucoup d'argent a été fourni, d'ailleurs, par la famille Rothschild, pour qu'ils puissent acheter des terres aux Palestiniens, qui, eux, étaient très contents parce que les Juifs payaient très cher pour ces terres-là pour être certains de pouvoir se les approprier. Et au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus d'émigration vers la Palestine parce que les terres étaient de plus en plus accessibles, jusqu'à un jour où, à un moment donné, les Arabes ont fait « Wow, ça commence à être beaucoup, là. » Au début, on pensait qu'on en aurait quelques-uns, mais là, il y en a pas mal. Et c'est sûr qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est retrouvé avec une population de réfugiés juifs immense. On parle quand même de... On va pas les retourner en Pologne, on va pas les retourner en Russie, on va certainement pas les retourner en Allemagne. Et il faut pas oublier que c'est quand même la communauté internationale qui a créé Israël. Ouais, les États-Unis et l'Angleterre. La Russie était à la limite. Staline était encore plus pro-Israël que ne l'étaient les Américains. Il voulait s'en débarrasser. En guillemets, il y avait de ça là-dedans. Il les renvoyait dans le sud, puis allez-vous chez vous. C'est un petit peu ça, Lise, aussi. Alors, c'est sûr que... Est-ce que ça a été une erreur? Bon, moi, je ne crois pas. Je pense que le Moyen-Orient est quand même assez vaste pour accueillir deux peuples. On ne parle pas ici de milliards de personnes. C'est Israël, un petit pays, Israël. Il y a 6 millions de Juifs. Il y a 4 millions de Palestiniens. Ben oui, pis c'est tout petit, Lise. T'es déjà allé. Je suis déjà allé. Tu peux faire la longueur du pays en une demi-journée, quasiment. Là. Ça, les gens ne se rendent pas compte. Quand on dit l'ennemi est à côté, l'ennemi est à côté. Carrément. Avec Gaza, c'est encore pire. C'est comme si tu mettais, imaginons, là, des peuples autochtones qui en ont assez que les Blancs soient sur les terres québécoises et décident d'installer des batteries et autres trucs de lance-roquettes sur la rive sud et se mettent à bombarder la rive nord, mettons, de Montréal ou de Québec. Ben oui. Jour et nuit, 800 roquettes en 6 mois. On se poserait pas la question, est-ce que ça a été une erreur de mettre le Québec là, si je comprends, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben oui. On est aujourd'hui, là, c'est ça. C'est quoi la différence entre Israël et le Québec? Je réponds 350 ans. Oui. Parce que ce qui s'est passé là, qui est un mouvement de population, nos ancêtres ont essentiellement, ça fait partie de l'histoire, il y a des mouvements de population, que ce soit en Alsace, que ce soit dans les pays du Caucase, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, ça fait partie de l'histoire. Oh oui. C'est comme ça, ça sera toujours comme ça. Où on vit avec, et on essaie de se tailler chacun son territoire pour être en paix, où on reste en conflit perpétuel. Mais... Malheureusement, on a l'impression que les Palestiniens ont choisi le conflit perpétuel dans l'espoir qu'un jour, Israël disparaisse. Mais Gaza, là, moi, je vais mourir, ce sera pas réglé. Là. Gaza, c'est une anomalie géographique. T'sais, c'est une enclave le long de la Méditerranée. Israël se défend légitimement, bombarde. Ça ne fait qu'accentuer les tensions. Hamas devient plus radical. Les gens deviennent plus en calvaire. Excuse l'expression, mais c'est ça. Donc, à ce moment-là, on se revend. On verra jamais la fin de ça. Pour Gaza spécifiquement, là, à moins que ça soit annexé à l'Égypte. Mais là, l'Égypte, elle veut rien savoir. Et oublie ça, l'annexion à Israël, ça se fait pas. Ça serait très, très difficile, presque inimaginable. Donc, c'est perpétuel, cette affaire-là. Je vois pas le règlement. C'est loin d'être réglé, mais il y a une chose qu'on ne voit pas ici. Gaza, dans notre tête, c'est une espèce de paysage lunaire où il y a juste des bicoques à moitié démolies. Une partie de Gaza, c'est ça. Mais Gaza, ce n'est pas ça. Ben oui, il y a eu un gros boom économique au cours des dernières années, Lise, dont on parle pas. Ils ont même construit le plus gros centre d'achat de tout le Moyen-Orient à Gaza. Puis d'un modernisme, des tours de verre à Gaza, il y en a plein. Ça, on voit pas ça. C'est un endroit qui est... C'est sûr que le blocus ne peut pas durer pour toujours, mais sans blocus, c'est un petit coin de terre qui pourrait être autonome. Mais arrêtez d'envoyer des roquettes sur le voisin, Simonac. Ouais, mais Hamas a été élu démocratiquement. Tu sais, il y a ça aussi, là. Oui, mais tu sais, quand tu élis démocratiquement quelqu'un qui est voué à la destruction de la démocratie, c'est toujours problématique. Mmh, je sais. Hey, merci beaucoup, Lise. On s'en parle tantôt, finalement, mais dans un autre, sur un autre théâtre. Franchement, oui. Merci, Noël Sen. On se revoit tantôt.